Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Niki de Saint-Phalle, la vie et l'œuvre d'une sacrée nana. Sans mon art, j'aurais certainement fini dans l'asile. C'est certain. L'énergie que j'ai mise dans mon travail, qui était énorme, la quantité que j'ai travaillée, ont été vraiment m'ont sauvée. Et la violence que j'ai mise, que ce soit dans les tirs ou dans mon travail, et l'angoisse que j'en ai sortie est énorme. Niki de Saint-Phalle, en entrevue à la radio française, Niki de Saint-Phalle qui dira aussi « J'ai eu la chance de rencontrer l'art parce que j'avais sur le plan psychologique tout ce qu'il faut pour devenir terroriste. » Violé par son père, négligé par sa mère, toute sa vie, Niki de Saint-Phalle va se battre pour prouver au monde qu'elle existe comme artiste et comme femme. Elle était jeune, belle, féministe, rageuse. Elle a trouvé une forme qui convenait à l'explosion des femmes, mais à l'envers de la mode. À l'envers de la mode qui les maigrissait, qui les rendait fluettes, discrètes. Vous voyez, c'est ça. On a qu'à regarder une robe de courage sur Mireille d'Arc, quoi. Tout ça était très élégant, très chic, mais pas joyeux. Et la voilà qui revenait avec des femmes, avec des gros nichons, des gros culs, comme ça. Ce qu'elle exprimait le plus, c'est le corps de la femme en tant que corps, avec des jambes, des bras, une tête, quelquefois une toute petite tête, mais un sexe. Et cette façon de le revendiquer énorme, éventuellement accessible, ça détourne tellement toute l'image, justement, des femmes violées, des femmes honteusement cachées, honteusement violées. Et il y a quand même l'idée, en même temps, d'une souffrance de femme et d'une revendication de femme. Ça, pour les féministes, c'est du gâteau, cette femme-là. La cinéaste Agnès Varda, qui parle du combat féministe de Niki de Saint-Phalle dans son art, et ces femmes au gros cul et au gros nichon dont Agnès Varda nous parle, ce sont les fameuses nanas de Niki de Saint-Phalle, ces sculptures de femmes aux formes généreuses et arrondies, aux couleurs vives aussi, qui feront la renommée de l'artiste. Pour nous présenter ce personnage fascinant, mon invitée Véronique Bourboin, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Véronique, bonjour. Bonjour. Parlons-en tout de suite de ce féminisme, parce que quand on commence à s'intéresser à Niki de Saint-Phalle et à tout son art dont on parlera. Puis de toute façon, ça se chevauche, son art et cette volonté, ce combat féministe. Mais le féminisme, il nous saute aux yeux. Revenons sur ce que disait Agnès Varda, c'est intéressant. Il faut savoir d'abord que Niki de Saint-Phalle est une très belle femme. Elle va faire la couverture de magazines comme Vogue, comme Elle, mais le modèle de femme qu'elle va nous présenter, entre autres avec ses nanas, c'est un modèle de femme qui échappe complètement à ces canons de beauté que nous vendent l'industrie de la mode et de la beauté, justement. Absolument. Et c'est très moderne, en fait. Oublions pas qu'elle a commencé à dessiner, à peindre dans les années 1950, au tout début. Ça nous apparaîtrait beaucoup plus normal aujourd'hui de revendiquer un corps autre. Et le fait qu'elle soit une femme si magnifique, physiquement, à tous les niveaux, et qu'elle ait voulu ruer dans les brancards très, très tôt, en faisant des sculptures, des dessins qui étaient en fait d'abord de l'ordre du monstrueux. Oui. Il y a quelque chose de monstrueux. Et on peut regarder ces grandes sculptures de femmes. Donc, elles représentent la femme, mais pour elles, c'est la femme déesse, la femme mère, la femme qu'elle revendique. Et ce qui est très touchant, c'est que quand elle parle de son féminisme, elle inclut l'homme, les hommes. Elle dit, mais c'est pour les hommes aussi qu'on doit se battre. Elle les exclut pas du tout, comme on le faisait un petit peu plus au début. Donc, elle dit, mais c'est pour les hommes qu'on doit apprendre à se réapproprier notre côté féminin. Est-ce qu'elle est consciente, parenthèse, mais vous l'évoquiez, puis je l'évoquais aussi, est-ce qu'elle est consciente de sa beauté? Oui, oui, oui, elle l'est parce qu'elle vient d'une famille où c'était important. Sa mère adorait les vêtements, s'habillait extrêmement bien. Elle-même aura toujours un côté très excentrique, mais très mode aussi dans sa façon de s'habiller. Donc, elle est très consciente. D'ailleurs, on le voit dans les films sur elle. Hier soir, j'ai vu un film où elle était montée sur une échelle. Elle peint dans des couleurs extrêmement vives. Elle est habillée tout en blanc. Ouais. Elle est toute mince sur sa petite échelle avec son pinceau. Donc, c'est très bien l'image qu'elle donne. Et je pense qu'elle a souffert de cette beauté-là. Si elle avait été moche, elle le dit elle-même, si j'avais été moche, on m'aurait oublié très rapidement. Oui. Mais elle-même a dû souffrir du fait que, vous savez ce qu'on disait et qu'on dit encore, hélas, aux petites filles, « Oh, comme elle est mignonne, cette petite fille, comme elle est jolie. » Et là, elle a dit non. non, on je suis arrête. Plus que ça. Je suis, nous sommes les femmes plus que ça. Vous pouvez pas me réduire à ça. Oui. Parlons de justement de cette. Vous parlez de la petite fille, de son enfance. Je l'évoquais au tout début de l'émission. Ce sera difficile, pour ainsi dire, abandonnée par sa mère, violée par son père. Elle vient d'un milieu bourgeois. Oui, très, très bourgeois, elle avec un nom pareil, France, Niki de Saint-Phal. Ouais. Mais en fait, sa famille était riche et bourgeoise, mais ils vont être victimes du krach de 1929. Donc elle naît en 1930 et sa mère l'aurait rendue responsable. Genre, elle est venue au mauvais moment. Donc déjà, ça commence mal pour la pauvre petite fille. Ouais. À l'âge de 3 mois, ses parents s'enfuient. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une fuite vers les États-Unis. Et ils l'abandonnent, le bébé, avec la grand-mère. Donc, elle en aura toujours voulu à sa mère. Pourquoi m'avez-vous abandonnée? C'est pas de ma faute. Qu'est-ce que je vous ai fait? Donc, déjà, on sent l'abandon. Ça, c'est terrible. Elle va finir par rejoindre ses parents aux États-Unis. Elle va étudier aux États-Unis aussi. Mais elle n'oubliera jamais cet abandon. Et elle va vouloir faire payer ça. Oui, et en même temps, ce sera un moteur pour elle. Absolument, absolument. C'est cet abandon de ses parents, le viol de son père. Et ce moteur, elle en parle parce que c'est elle qui dit, je la cite, « Chaque femme devint toi, maman, maman. Votre mauvaise opinion de moi, ma mère, me fut extrêmement douloureuse et utile. Pour vous, j'ai conquis le monde. » Voilà. Alors, c'est un programme, au fond. Elle était programmée. Et puis même ces nanas, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais c'est peut-être aussi la création de ces déesses, la recherche un petit peu de cette mère qu'elle n'a pas eue. L'art sera très, très important pour elle. On l'entendait au tout début de l'émission. Elle dit « ça m'a sauvé la vie ». En fait, j'aurais fini ma vie en institut psychiatrique. Oui. De fait, elle commence à peindre chez les fous, absolument, en quelque sorte. Absolument. Elle est en institution pour une monstre dépression. Elle n'arrive pas à s'en sortir. On peut imaginer toutes ses contradictions, sa relation avec son père, sa mère. Il n'y a rien qui va. Et elle commence à dessiner à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ses dessins, elle n'a fait aucune expérience. École d'art, elle a quand même dit les cathédrales, les expositions m'ont servi d'école. C'est pas une ignorante, donc elle a vu les artistes contemporains de son temps. Elle a voyagé, puis elle s'est dit qu'est-ce que moi je veux exprimer. Mais elle commence à faire ses petits dessins, c'est vrai, un peu comme de l'art thérapie. L'art brut, on associe d'ailleurs l'art brut à ces gens dans les institutions. Mais très très rapidement, elle va être reconnue par les pairs. C'est-à-dire un groupe qui s'appelle les Nouveaux Réalistes, qui vont tout de suite, assez rapidement, la reconnaître en disant « Ouh, là, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ouais. » Et elle est reconnue à l'égal d'un homme, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu des tableaux, les tout premiers, dans l'abstraction, mais il y a des choses très, très belles, très fortes, en tout cas, c'est très fort. Il y aura cette rencontre importante avec Jean Tinguely. D'abord, un mot pour nous dire, qui est-il, Jean Tinguely? Alors, Jean Tinguely fait partie de ces artistes qui gravitent autour d'elle, déjà dans les années 50, ça va être un très grand ami à elle pendant de nombreuses années. Et plus tard, ça va devenir l'amour de sa vie. Donc, ils vont vivre quasiment 40 ans, plus de 40 ans ensemble. Et c'est un sculpteur fabuleux, suisse. Très connu en Suisse. Très connu en Suisse. Enfin, on a vu de ses sculptures dans le monde entier aussi. Et puis, ce qui est assez rare, ils vont vraiment construire leur vie et leur art ensemble et non pas l'un contre l'autre. Mais avec toujours l'idée de se stimuler. Je suis sûre que le matin, ils se disaient « qu'est-ce qu'on fait d'excitant ensemble ?» Ce qui est assez fabuleux et rare, parce que dans les couples d'artistes, c'est d'habitude, c'est pas comme ça. Alors, les sculptures qu'il fait, lui, sont très différentes des siennes. Ça les dérangeait pas du tout. Au parce qu'elle, elle l'aidait, et lui, il l'a beaucoup, beaucoup aidé. Elle ne serait pas ce qu'elle serait sans lui. Je veux pas dire qu'elle n'était pas complète, mais c'est que lui va lui donner un coup de main pour la construction de ses œuvres, et il va la soutenir, il va lui dire « tes dessins, ça vaut plus que des dessins d'art brut, tu es une véritable artiste », il était le premier à lui dire. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus amis au début. Et ces sculptures à lui, c'est d'énormes machines en métal rouillé qui fonctionnent avec des moteurs et à partir de morceaux récupérés dans des cours à scrap, comme on dit. Et on parle des années 50. Ouais. Et on écoute justement Niki de Saint-Phal nous parler de leur travail commun, parce qu'ils feront ensemble une sculpture qui sera présentée à l'Exposition universelle de Montréal en 1967. Entrevue donc diffusée par l'ORTF en 1967. Niki de Saint-Phal qui nous parle de sa collaboration avec Jean Tinguely. Puis on revient sur leur relation tout de suite après. Absolument. C'est une collaboration que je trouve va très loin pour nous deux dans le sens qu'il n'est pas seulement une chose pour nous, mais qui va au-delà de ça. C'est une rencontre dans laquelle la collectivité pourra retrouver ses propres rêves. Pour moi, mes sculptures représentent le monde de la femme, amplifié, la folie des grandeurs des femmes, la femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir. Et en face de mes sculptures, il y aura les machines agressives, menaçantes, de Tinguely qui représentent le monde de l'homme. Et le monde des femmes, nous sommes presque colonisés par ces machines. C'est notre problème parce que nous vivons dans un monde dans lequel nous n'avons inventé aucune de ces choses. Alors, cette opposition, Véronique Borbouin, qu'elle décrit, Niki de Saint-Phalle, dans cet extrait, opposition entre les œuvres de Tinguely, les siennes, celles de Niki de Saint-Phalle, l'univers très masculin de Tinguely, oui. la machine, l'univers très féminin de Niki de Saint-Phalle. Est-ce que ça fera partie, cette opposition-là, de leur relation dans la vie amoureuse ou dans la vie artistique? Les deux, absolument, ça fera partie de ça. D'ailleurs, elle a très justement dit, nous étions en compétition et cherchions à nous épater mutuellement, pas nous écraser, nous épater. Donc au fond, l'un essayait d'étonner l'autre, ce qui était quand même fabuleux, et l'un ne niait jamais l'autre, au contraire. Et dans cette fameuse sculpture donc, qu'ils ont faite à l'Expo 67, il y avait donc les grosses femmes sculptures rondes et féminines de Niki de Saint-Phalle, et qui étaient associées aux machines avec des sortes de pics en métal rouillé qui tapaient sur les sculptures ou qui faisait semblant de détruire les sculptures. Donc c'est une violence inouïe quand on regarde ces images, parce qu'il ne faut pas oublier que les sculptures de Tinguely fonctionnent, elles ont des moteurs. Donc on voit vraiment le mouvement du marteau qui cherche à démolir ces femmes merveilleuses. Et eux, nous, on est un peu ébahis par cette violence, mais eux, ça les faisait rire, parce qu'ils disaient que ça leur faisait du bien, c'était l'image de la société. Et de montrer et de dénoncer en même temps cette violence masculine contre les femmes. Absolument. Toujours, le féminisme n'est jamais très loin. Le féminisme n'est jamais très loin et lui, il la soutient. Et je me suis posé la question quand même, la relation homme-femme, c'est souvent un peu conflictuel, ça ne devait pas être si simple. Malgré ce qu'on voit, il s'adorait, mais ça ne devait pas être si simple. Mais je crois que j'ai compris que lui était plus qu'un artiste, il était aussi un poète. Il est un poète dans sa façon de voir aussi les choses, sa façon de voir l'art. Il disait, dès qu'une sculpture commence à coûter trop cher, il faut absolument la mettre à la poubelle, ça ne vaut plus rien. Donc, et il était aussi pour le travail collectif. Il a souvent travaillé avec d'autres sculpteurs. C'est lui qui faisait presque tout. Et après, il donnait. Il disait, on détruit tout ça. C'est pas grave. Il y avait l'idée du geste gratuit et que l'art devait être gratuit. Alors ça, c'est fabuleux. Cette jeune femme s'appelle Niki de Saint-Phalle. Elle appartient à une famille de grands banquiers et a été élevée dans un couvent de New York. Non loin de Montparnasse, elle fait de la peinture à la carabine. Ces bas-reliefs de plâtre renferment différents objets, des œufs, des tomates, des capsules de shampoing, des flacons d'encre, des tubes de couleur. Ils éclatent sous le choc de la balle et des taches de couleur apparaissent à la surface du plâtre. L'artiste arrête le tir lorsqu'elle estime que les transformations obtenues sont belles. Ces transformations vont parfois d'ailleurs jusqu'à la destruction. Tout le monde peut participer à l'opération. Le tireur, qui est souvent l'acheteur, est le seul juge du résultat. Extrait d'un reportage de l'ORTF en 1961 sur ces fameux tirs de Niki de Saint-Phalle. Ça va la rendre déjà célèbre, ces tirs-là. Véronique Borbouin, ça lui vient d'où, cette idée? Alors, c'est intéressant parce que sa première œuvre, donc je pensais en 61, quelque chose comme ça, son premier titre, c'est « Mon amoureux ». Oui. Donc, elle explique dans une lettre que c'était un portrait assez abstrait, avec une cible qui remplaçait la tête de l'amoureux, mais il y avait une vraie chemise, une cravate collé dessus, donc elle appelait ça ses reliefs, donc il y a du relief. Et puis devant, il y avait une table avec des fléchettes et les visiteurs pouvaient tirer dessus, lancer des fléchettes. Et puis elle dira que c'était sa thérapie pour se débarrasser d'un amoureux dont elle se sentait un petit peu trop dépendante, et elle dira thérapie réussie. Ouais. Et par la suite, évidemment, elle va trouver ça tellement jouissif qu'elle va faire ses reliefs tout dans des tons de blanc, elle va tout peindre en blanc, mais ça reste en relief avec des objets collés, et elle va coller ces fameuses petites vessies pleines domaine de peinture. Et là, ça, elle va aller plus loin. C'est d'ailleurs Jean Tinguely qui va lui apporter une carabine de foire. Puis il dit, allez, vas-y, défoule-toi, tire dessus. Là, c'est fabuleux parce qu'elle tire. Puis là, toute la peinture dégouline le long de la toile parce que les toiles, évidemment, sont au mur. Et puis, là, elle dit, c'est fabuleux, c'est excitant et sexy, qu'elle dit. Mais il y a quelque chose de très violent en même temps. Là, c'est une violence extrême. D'ailleurs, on peut voir dans certains extraits vidéo sur YouTube, on la voit, mais c'est terrible. Ouais. Et elle va faire des vraies expositions avec ça. Au début, elle fait ça dans un coin, une impasse à Paris, et les policiers viennent voir, trouvent ça assez rigolo. Et puis plus tard, elle pourra faire ça dans des galeries, et ce sont les spectateurs qui vont prendre la carabine. Et puis le résultat est finalement, j'allais dire pas si mal, loin de là. Oui, c'est assez beau. Assez proche de... parce que c'est... elle est à la fois française et américaine. Oui. On est au fond, et c'est l'époque, on n'est pas loin du dripping, de l'action painting. Oui, de Pollock. Voilà. Voilà. Oui, ça ressemble, mais il y a une violence en plus. Parce que l'idée de tirer, de détruire l'œuvre ou de la fabriquer. Elle aimait aussi le côté collectif. C'est-à-dire, ce sont les autres visiteurs, c'est pas seulement elle, qui viennent et qui tirent et qui font son tableau. Suivant l'endroit où ils tirent, ça coule ou ça coule pas, c'est bleu ou c'est rouge. Mais c'est vrai que le résultat, avec ses fonds blancs, avec ses reliefs, c'est assez impressionnant. Les résultats, c'est beau. À un moment donné, elle dit, ça suffit. Son problème avec ça, c'est qu'elle a dit, ça devient addictif. Elle pouvait plus s'en passer. Et c'est ça qui est merveilleux comme artiste. À partir du moment où elle a vu qu'elle ne pouvait plus s'en passer, elle est passée à autre chose. Ouais. Ça, c'est fabuleux. Et l'autre chose, éventuellement, ce sera évidemment ces nanas, ces sculptures qui vont vraiment faire sa renommée. En quelques mots, Véronique Bormoy, comment les décrire, ces nanas? Alors, ce sont les sculptures que la plupart des gens connaissent quand ils connaissent quelque chose de Niki de Saint-Phalle. Elle a dit qu'elle a voulu retourner au féminin. Elle s'est rendue compte que c'est bien beau, les tirs à la carabine, la violence et tout ça. OK, elle a exprimé tout ça, thérapie réussie, comme elle dirait. Mais elle avait besoin d'autre chose, c'est-à-dire d'affirmer le côté féminin. Et on sait peut-être qu'elle serait partie d'une amie à elle qui était enceinte, donc qui était toute ronde, avec un gros ventre, et qu'elle s'est dit, oui, mais c'est ça aussi le féminin. Nous, notre création, c'est aussi faire des enfants. Ce n'est pas que ça. Mm-hmm. Elle en aura, elle, mais ce n'est pas que ça. Donc, ces sculptures à elle sont énormes. Ce sont comme des sortes des femmes impératrices énormes, obèses carrément, et avec des ventres gonflés, parfois même des toutes petites têtes, parfois des grosses têtes. Et elle va les construire avec une base souvent métallique, ensuite recouvrir de ciment, ensuite de polyester. Et là, elle va peindre le tout avec des couleurs qui, au premier abord, pourraient paraître assez enfantines, avec des couleurs très très vives, des étoiles. Il y a quelque chose d'un peu de la bande dessinée, mais en sculpture. Et on pourrait très bien passer à côté et dire, oui, c'est parfait pour un jardin d'enfants. Mais en fait, elles sont aussi un peu monstrueuses, ces femmes. Mais c'est vrai qu'à... puis on reviendra au côté monstrueux après l'extrait qu'on entend, mais au fond, il y a quelque chose de joyeux, ça c'est certain. Alors oui, il ne faut pas le manquer, ça, ce côté joyeux. Et je crois que c'est une revendication très particulière à Niki de Saint-Phalle. Oui, d'accord, c'est dur, oui, c'est violent, mais pourquoi pas aller aussi dans la joie? On écoute nous parler de son intention avec ses nanas à l'émission Ombre et Lumière en 1972. Niki de Saint-Phalle, qu'est-ce qui vous a amené à bâtir de gigantesques nanas? Eh bien, je crois que c'était un désir de voir des hommes plus petits que ces énormes dames. C'était un désir carrément d'écraser un peu le sexe mâle dans cette société qui nous opprime. Et alors, je l'ai fait d'une manière assez joyeuse, c'est-à-dire que c'était les nanas au pouvoir par la joie, au pouvoir par leur grandeur, leur force, leur joie de vivre. Celle qui est derrière vous est nettement herculéenne. Mais pourquoi, dans ce grand bâti que vous avez fait d'elle, la tête est-elle aussi petite? Eh bien, je me suis souvent demandé, et la réponse que je crois est juste, c'est que dans notre société, nous avons tellement exagéré tout ce qui est technique, tout ce qui est la tête, que finalement, ces femmes qui sont un peu révolutionnaires, elles portent en elles le désir d'aller vers les émotions, d'aller vers les choses que nous écrasons, vers la sexualité, vers l'amour, vers la puissance régénératrice de la femme dans la mythologie. C'était c'était au fond contre notre esprit scientifique qui nous dévore. Ce qui frappe en écoutant cet extrait de Niki de Saint-Phalle, Véronique Bormoy, c'est cette juxtaposition entre un discours très engagé, très politique, oui. mais en même temps, cette fantaisie, ce ludisme. Absolument. Et ça, c'est très particulier aussi chez Niki de Saint-Phalle. Son idée de ces femmes géantes, c'est aussi le côté déesse-mère. Elle veut retourner, au lieu de juste être la féministe frustrée qui se bat contre l'autre moitié de la planète, au fond, on disait, mettons en valeur ces formes, ces poitrines généreuses, cette sexualité, le sexe est bien visible et ces femmes, elles sont souvent sur une seule jambe. Donc on a l'impression qu'elles dansent, même quand elles ne bougent pas. Avec Jean Tinguely, elle va en faire tourner, elle va en faire bouger. Mais souvent, elles sont déséquilibrées avec un sourire fabuleux, des poitrines de toutes les couleurs. C'est vrai qu'il y a quelque chose de joyeux et puis en même temps de plus grand que nature. Elle s'intéressait au gigantisme. Oui. Et c'est pas un hasard, parce qu'au fond, puis le temps file, on va terminer sur ce côté, au fond, accessible que doit avoir l'art pour elle. Elle fait des trucs tellement géants qu'ils sont la plupart du temps exposés dehors. Il y aura des jardins, le jardin de Tarot en Italie, des jardins de sculpture de Niki de Saint-Phalle, des trucs qui sont presque architecturaux. Mais l'intention, c'est aussi que ce soit accessible à tous. Absolument. Donc, elle avait des jardins où les gens pouvaient circuler. Elle aimait que les gens rentrent dans ses statues. Elle en a fait une célèbre à Stockholm où les gens rentraient par la fente de la femme et visitaient l'intérieur. Et donc ça, c'est très clair. Et la fameuse fontaine Stravinsky à Paris que les gens connaissent, où ça bouge, où ça danse. Et les enfants apprécient autant que les adultes. Elle voulait que ce soit accessible et non pas dans un musée enfermé. Et ça, c'est cette joie-là, elle a voulu l'exprimer. Il y a un côté pop au fond. Oui. D'ailleurs, il y a des œuvres, elle a fait un petit peu de cinéma, elle utilise la coloration. On est parfois proche de Warhol. On est proche et on sait qu'à l'époque, elle était aussi connue que Warhol. Donc, et c'est bizarre qu'aujourd'hui, on le connaisse plus, qu'on préfère ses soupes Campbell à ses fameuses nanas. Oui. Même le terme nana est un terme drôle pour elle. Oui. Donc cette fantaisie qu'elle a toujours eue en elle, cette envie de rire malgré tout ce qui lui est arrivé, c'est fabuleux. Est-ce qu'elle est connue à sa juste valeur? Est-ce qu'on la connaît, Niki de Saint-Phalle, aujourd'hui? Peut-être pas assez, mais on la rencontre dans les rues, puisqu'on la rencontre, comme moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était la fameuse fontaine de Stravinsky. J'étais jeune, elle venait d'être mise sur place. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre au début. J'ai dit, oh, c'est quoi ce truc-là? Et je trouve que ça n'allait pas avec l'église Saint-Méry qui était juste à côté, en gothique flamboyant. J'ai dit, c'est quoi ce machin? Mais en réalité, j'ai appris à l'apprivoiser. Je pense qu'on doit tous faire un peu cette attitude à force de passer devant. Donc, je pense qu'elle va être de plus en plus connue. On va la remettre à sa juste place, c'est sûr. Elle est là, elle est avec nous. Véronique Borboin, professeure à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Merci beaucoup, Véronique. Au plaisir. Si vous voulez écouter ou rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.